Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. On célèbre en ce moment la chute du mur, mais le mur a mis du temps à tomber dans les têtes. Il a mis du temps notamment pour les militants. Comment ont-ils fait pour être si longtemps communistes ? Jeux de clown triste et que les braves gens nous snob et nous donnent du... Salut l'artiste. On s'accroche au radeau pour le dernier tour de piste. Et derrière le comptoir on se noie dans le cynisme, hurlant le seul slogan auquel on continue de croire et qui se résume en deux mots. À boire. Bonjour Sonia Combe. Bonjour. Vous êtes historienne au Centre Marc Bloch et vous venez de publier La loyauté à tout prix, les flouets du socialisme réel aux éditions du Bord de l'eau. Il s'agit de ces gens qui sont restés communistes très longtemps, jusqu'à la chute du mur. Oui, alors la chute du mur le 9 novembre a un peu empêché, enfin recouvert un autre événement qui, à mon avis, était plus important. C'était la manifestation du 4 novembre, 5 jours auparavant, sur l'Alexanderplatz. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors là, il y a eu 500 000 personnes, c'est-à-dire la plus grosse manifestation qui a jamais eu lieu en RDA, la manifestation spontanée, je veux dire, je parle pas des manifestations organisées, bien sûr, hein. Et elle réunissait, en fait, dans l'ensemble, les gens qui étaient proches du régime, alors, c'est-à-dire proches du régime, mais critiques, qui voulaient un changement, mais qui étaient communistes pour la plupart. Alors, communistes dans le parti ou compagnons de route du parti, mais cela étant, pour la plupart, c'était des gens qui voulaient des réformes à l'intérieur du régime. Et ils voulaient peut-être pas conserver ce parti communiste-là, mais ils se réclamaient tous du marxisme. Et ils étaient, l'un des slogans, c'était « Zurück zur Quellen », retour aux sources. Marx, Rosa Luxembourg, Liebknecht, etc. Voilà. Et cette base-là, qui était la base du parti, donc, a démontré le 4 novembre qu'elle ne suivait plus la direction du parti. Et ça, ça a été, c'est là où le parti, je pense, a perdu toute légitimité. C'était Pourquoi la fin de la RDA. Parce que le parti était une institution très forte en RDA. Il y avait quand même plus de 2 millions de gens qui étaient de membres du parti. C'est-à-dire, on calcule quelque chose comme un citoyen sur 6, citoyen adulte, un sur 6, était membre du parti. Et certains l'étaient peut-être par opportunisme, carriérisme, tout ce que vous voulez, mais beaucoup l'étaient dans cette partie de l'Allemagne par conviction. Comme ils disaient, par le Bauch, du ventre, on dirait par le cœur, mais ils disent ça en allemand. Voilà. Justement, c'est ça qui nous intéresse, Sonia Combe. Comment fait-on pour être communiste sans être intéressé, opportuniste, carriériste? Bref, si on prend uniquement ces gens qui étaient communistes, ont été communistes jusqu'au bout, alors même qu'ils voyaient et toutes les défaillances, et j'utilise un mot faible, du régime. Oui, vous voyez qu'on est dans le mur, oui. C'est ça, pour le dire clairement, c'est ça. Alors là, il faut se replonger dans l'histoire allemande. Hein. Il faut se replonger dans l'histoire allemande. Il faut comprendre que l'Allemagne de l'Est a été reconstruite comme État socialiste, entre guillemets, par des antifascistes allemands qui sont retournés en Allemagne pour construire cet État qui était l'opposé de l'Allemagne nazie, du Troisième Reich. Alors ces gens qui ont fondé l'Allemagne, les pères fondateurs de l'Allemagne, les pères fondateurs politiques, ce sont des gens qui sont rentrés de Moscou. C'était des communistes allemands qui s'étaient réfugiés sous le nazisme en Union soviétique. Et ce sont des gens qui ont été renvoyés donc par l'Union soviétique pour occuper la partie politiquement et diriger la partie de l'Allemagne qui était tombée enfin, vous savez que l'Allemagne a été divisée à la fin de la guerre en 4 zones. Donc, les Soviétiques ont occupé une zone, les autres zones ont été occupées par les Américains, les Anglais et les Français. Donc, la partie orientale de l'Allemagne a été occupée par les Soviétiques et ces émigrés est-allemands, communistes, antifascistes, ont été renvoyés par l'Union soviétique, donc, dans cette partie-là. Ensuite, ils ont fait venir, par une politique de séduction très intelligente, il faut le dire. Hein. Les officiers soviétiques en poste à Berlin-Est, juste après la guerre, étaient des gens qui avaient compris qu'il fallait faire venir des autorités intellectuelles pour construire ce pays. Et ils ont fait venir des gens comme Bertolt Brecht, à qui on a proposé un théâtre, ce qui n'est pas n'importe quoi pour quelqu'un qui avait vécu dans l'exil en Amérique, ignoré de tous, parce qu'il ne maîtrisait pas la langue. Quelqu'un, Brecht, disait qu'il ne supportait pas ce pays, l'Amérique, où il fallait qu'il épelle son nom. Ça avait été une sommité avant le nazisme, Brecht. Il tombe dans l'oubli aux États-Unis. Qui plus est, il est menacé par le maccartisme. Donc, vous savez, la chasse aux sorcières et la chasse aux communistes en Amérique, aux États-Unis. Donc lui, on lui offre un théâtre, mais vous avez un philosophe comme Ernst Bloch, à qui on offre une chaire à l'université, alors qu'aux États-Unis, il n'avait rien. Vous avez Hannah Arendt, qui était un écrivain déjà très célèbre avant le Troisième Reich, qui était à Mexico. On l'a fait revenir. On fait revenir ces personnes-là en leur proposant des situations et surtout de se ressaisir de leur langue comme intellectuel, c'est très important. Et ils ont formé, si vous voulez, les pères idéologiques, intellectuels, les autorités morales de ce pays. Et ils ont eu une énorme influence sur cette jeunesse est-allemande située dans ce territoire-là, qui comprenaient tout d'un coup, à la chute du Troisième Reich, qu'ils avaient été élevés, socialisés dans un état monstrueux. Monstrueux. On révélait tous les crimes du nazisme. Et là, pour cette jeunesse qui a entre 15 et 18 ans, c'est un sentiment, mais Christa Wolf, l'écrivaine Christa Wolf l'a très bien exprimé, mais c'est un écrasement total. Pourquoi ? Tout d'un coup, ils comprennent quel est l'État, cet État monstrueux. Ils y ont grandi, ils ont chanté des chants à la gloire de Hitler, ils ont fait partie de la jeunesse hitlérienne. Christa Wolf raconte dans son livre « Trame d'enfance », elle raconte comment, enfant, adolescente, elle entendait le nom de Hitler et elle disait « j'avais une boule chaude dans la gorge quand je prononçais le nom du Führer ». Là, elle est née en 29, Christa Wolf, donc elle a 16 ans, quand on découvre qu'est-ce que ça a été que ce régime monstrueux. Et à ce moment-là, à cette jeunesse qui est complètement désemparée, déboussolée, il y a les communistes qui arrivent et qui offrent un autre régime. Et ces communistes-là, ils ont pour eux qui n'ont pas participé au crime du Troisième Reich. Au contraire, ils en ont été les victimes, ils en étaient les parias, ils ont été pourchassés. Nombre d'entre eux, en plus, étaient d'origine juive. Donc, si vous voulez, ils étaient doublement victimes de ce régime. Et là, on leur proposait ce qu'on appelle maintenant les fondamentaux du marxisme, c'est-à-dire une société égalitaire, l'égalité des chances, la dénazification, on se débarrassait de tous les anciens nazis, on promulguait immédiatement une politique culturelle, comme je disais tout à l'heure, de qualité, on réouvrait les théâtres. Vous savez que le premier théâtre à avoir été réouvert à Berlin en ruine en 45, c'était le Deutsches Theater, et on a proposé comme pièce Nathan le Sage de Lessing, donc c'est un signe très fort. C'était autant de choses qui ne pouvaient qu'encourager les antifascistes à revenir en Allemagne, construire cette Allemagne-là, et la jeunesse qui était là, sur place, elle était enthousiasmée par les perspectives qu'on lui offrait. Heiner Müller, qui est quand même connu largement dans le monde entier, oui. Heiner Müller, lui, il disait « Brecht justifiait le fait d'être en RDA pour la RDA ». À ce point-là. À ce point-là. Et alors, à partir de quel moment ces gens-là vont commencer à avoir des doutes, Sonia Combes ? Et quel type de doutes d'ailleurs ? Écoutez, je crois qu'ils ont des doutes très tôt. Ils ont des doutes très tôt. 56, bien évidemment, les chars à Budapest. Ensuite, on le sait immédiatement. Oui, le rapport secret de Khrouchtchev du 20e congrès du Parti communiste soviétique, le rapport qu'on appelle le rapport Khrouchtchev, oui, il est très largement diffusé sous le manteau. Alors, il y avait une façon de dire, les officiels d'Allemagne de l'Est disaient « Mais nous, ça, tout ça, nous, on a déjà fait notre révolution ici, on n'a pas besoin de savoir davantage. » Bon, mais c'était absolument faux. Non, c'était terrible pour ces gens-là. Bon, Brecht, Hannah Zegers, etc. Ils se rendent compte. Ils se rendent compte. Si vous voulez, jusqu'à présent, on avait pensé que les crimes étaient attribués à Staline, d'ailleurs, déjà, et non à un régime entier. Et ensuite, on avait pensé que Staline, finalement, n'avait fait que persécuter ses ennemis, les ennemis politiques. Or, là, on se rend compte que c'est une opération beaucoup plus vaste. Ça a été, finalement, tout le monde pouvait tomber dans les purges staliniennes ou être envoyé au goulag. C'était pas uniquement les opposants au régime. Mais alors, pardonnez-moi, Sonia Combes, ça veut dire que ces gens-là ignoraient, je ne sais pas, ce qui s'était passé en URSS, la découlakisation, la grande famine en Ukraine, ou bien ils pensaient que c'était uniquement imputable au stalinisme? Non, vous avez raison, ils pensaient que c'était imputable uniquement au stalinisme. Quant à ce qui s'était vraiment passé, la découlakisation, la famine en Ukraine, etc., certains le savaient, notamment il y avait quand même des opposants au régime soviétique comme Köstler ou Trotsky, qui l'avaient déjà dit, mais qui n'avaient pas vu quand même l'ampleur. Hein. Cette ampleur-là, elle a été connue plus tard. Elle a été révélée quand même par le rapport Khrouchtchev et après les études qui ont été menées. Hein. Et c'est maintenant qu'on sait vraiment ce qui s'est passé. Donc en 56, c'est ce qu'ils apprennent, ces communistes qui sont loyaux et qui sont d'authentiques marxistes, ils apprennent ce qui s'est fait au nom de leur idéologie. C'est un choc pour eux. Cela étant, c'est un choc pour eux, mais ils ne vont pas remettre forcément leur choix en question. C'est très important. Ils avaient choisi pour eux. Ils avaient choisi de rentrer dans ce pays et ils décident que coûte, ils vont essayer de le construire et ils vont réformer de l'intérieur. Bon, alors pour Brecht, la question ne se pose pas, il meurt en 1956. Pour les autres, Sonia Combes, ceux qui vont assister, et parce que le communisme, notamment en Allemagne de l'Est, c'est non seulement un régime policier, un régime de surveillance, mais aussi un régime de manque, avec une situation qui économiquement ne donne pas satisfaction. On voit bien que c'est pas l'opulence. Comment le vivent-ils ? Alors, là, il faut vraiment se replonger dans le contexte de la guerre froide. Sinon, on comprend pas. Moi, je me souviens avoir interviewé un psychologue, professeur Katzenstein, qui avait travaillé aux États-Unis. C'était un exilé, donc antifasciste allemand, qui avait trouvé refuge aux États-Unis et qui avait appris la psychologie avec Bettelheim. Donc, vous voyez, c'était quand même le grand Bettelheim. Il décide de partir. Et il part en 53, il va en RDA. Et je le regarde, je lui dis, mais attendez, mais vous êtes parti en 53, vous avez quitté les États-Unis, vous n'aviez pas entendu parler des procès Reich, Slansky, en plus il était juif, Katzenstein, l'antisémitisme en URSS, etc. Mais, et il me dit, si, j'avais entendu parler, mais d'abord je pensais que c'était la propagande, et deuxièmement, moi en revanche, j'avais assisté à l'exécution des Rosenberg. Des Rosenberg qui avaient été accusés Julius et Edel d'espionnage, oui. À juste titre. Écoutez, c'était ridicule. C'était ridicule, c'était quasiment des dessins qu'il avait fait, que les Soviétiques s'en fichaient complètement. C'était un... Bon, non, c'est... Et même, quand bien même, d'ailleurs, aurait-il... Non, attendez, je justifie pas oui, du oui, tout. Oui, on a trouvé... oui, on a trouvé quelques... il avait une volonté. Je justifie pas leur exécution, je justifie rien du tout, je veux non, juste dire... Ils avaient voulu... Parce que moi, enfant, j'ai cru qu'ils étaient innocents, et c'est seulement sur le tard que j'ai... Puisque ma famille était communiste, donc voilà. On pensait qu'ils étaient innocents, mais enfin, ils étaient vraiment très peu coupables. Oui, comme vous dites, et on justifie pas, ça ne justifie pas, absolument pas. Voilà, donc lui, il avait ça en tête, parce que toute la période, quand même, cette période-là des États-Unis était une période extrêmement dangereuse pour les sympathisants communistes, hein. Les professeurs. La plupart des universitaires, par exemple, américains, n'étaient pas communistes. Mais cela étant, ils avaient des dossiers bien fournis sur eux. De ce point de vue-là, le FBI a travaillé comme la Stasi, hein. Mais alors, attendez, parce que donc ces gens-là, alors notamment ce psychologue que vous évoquez, il quitte les États-Unis avec une situation d'opulence et il arrive en Allemagne de l'Est où là, c'est au contraire une situation de dénuement. C'est pas la famine, mais on voit bien que sur le plan économique, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, bah c'est pas grave, on construit le communisme réel et le communisme réel ne passe pas par le Coca-Cola. Absolument, oui, c'est vrai. Ils se disent ça, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils se disent surtout où aller. Où est-ce qu'il est ? Aux États-Unis, souvent, ils étaient menacés d'être dénaturalisés lorsqu'ils avaient obtenu la nationalité américaine. Et pour des gens qui avaient déjà été apatrides, il faut comprendre ce que ça signifie. Une deuxième fois être apatride, et aller où ? Alors, il était pour eux hors de question d'aller en RFA. Allemagne de l'Ouest. Ça, c'est sûr. Je pense que la raison principale pour laquelle fort peu d'intellectuels marxistes critiques est-allemands ont décidé de passer à l'Ouest, c'est que la RFA ne les tentait absolument pas. La RFA, c'était quand même le pays où tous les anciens nazis avaient réussi à se réfugier. Ils avaient tellement peur de l'armée rouge qu'avant même que la RDA soit construite, ils étaient vite passés à l'ouest. Ce qui fait que quand même la RDA, elle a dénazifié de façon beaucoup plus rapide et conséquente que l'ouest, où l'ouest a été la dénazification à l'ouest. Maintenant, on le sait, c'était une dénazification de façade. Donc, les gens qui avaient été persécutés par le Troisième Reich n'avaient aucune envie de pouvoir rencontrer dans les administrations qui étaient à 80% voire plus constituées de gens qui avaient été soit des vrais nazis, soit des gens qui avaient suivi et pour le moins des anciens soldats de la Wehrmacht sur le front de l'Est, ça laisse deviner le pire, ils n'avaient aucune envie de rencontrer ces gens-là dans leur démarche quotidienne. Or, c'est ce qui se passait. Et ça, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas supporter. L'idée de passer dans ce pays où se trouvaient finalement les anciens du Troisième Reich. C'était les héritiers du Troisième Reich pour eux-mêmes, si c'est exagéré. Mais c'est comme ça qu'ils le percevaient au plan personnel. D'autant plus quand ils étaient juifs, qu'ils avaient perdu une partie de la famille, etc. Donc ça, c'était un point important. Mais la deuxième chose, c'est que quand même la RFA n'était pas du tout une société sympathique. C'était une société où le Parti communiste avait été interdit, on oublie de le dire. C'était une société, Parti communiste interdit, où on pouvait être poursuivi pour avoir tenu des propos pro-communistes. C'était une société où, par exemple, si vous vous souvenez la façon dont ils ont pourchassé la route armée fraction, la bande à Maïnov. La fraction armée rouge, voilà, oui. Souvenez-vous quand même, c'est qu'on n'a pas traqué les anciens nazis avec autant de constance qu'on a pu traquer cette bande de criminels minoritaires. Absolument minoritaires. Et qui en plus qui ciblaient. Enfin, c'était pas des criminels qui mettaient une bombe pour faire sauter 100 personnes. Hein. C'était des gens qui ciblaient quand même. Je veux dire, ça veut pas dire que je les soutienne. Mais il faut. C'était le deux poids deux mesures. Voilà, c'était deux poids deux mesures. Bon, donc cette Allemagne de l'Ouest qui en plus commençait à être opulente et avait de façon d'ailleurs un peu excessive cette opulence ouest-allemande qui était en plus où vraiment était évacuée toute conscience de l'histoire. Hein. Faut bien dire. Alors qu'en RDA, sans arrêt, on rappelait qu'est-ce qui s'était passé. On l'a rappelé le passé, ce passé nazi. Là, en RFA, on les laissait assez tranquilles. La société de surveillance, parce que là aussi, ce qu'on conserve comme souvenir de la RDA, grâce à certains films notamment, c'est une société de surveillance où une partie non négligeable de la population surveillait l'autre. Ouais. Sonia Combes, ça leur plaisait ? Alors, voilà, c'est maintenant, et on a un regard rétroactif là-dessus. À l'époque, à part ceux qui vraiment avaient des idées dissidentes, la plupart des gens n'étaient pas, ne redoutaient pas. Ils étaient peut-être surveillés, puisque la Stasi surveillait tout le monde à toute heure et en tout lieu. Donc, ils étaient peut-être surveillés, ils le savaient, ils s'en fichaient dans la mesure où vous n'avez rien à cacher, je veux dire, ça c'est le problème. Ils s'en fichaient. C'était pas, leur souci n'était pas d'avoir la Stasi, d'être dans le collimateur de la Stasi. En revanche, pour cette minorité de la population qui essaie de penser par elle-même. Elle est toujours minoritaire, cette catégorie de la population, si vous voulez. Pour cette minorité donc de gens qui pensaient de façon critique, la Stasi, évidemment, était une menace et un poids sur eux, ça c'est certain. Ils n'avaient certainement pas imaginé à quel point elle pouvait les surveiller. Mais vous savez, la Stasi, elle surveillait tout le monde. Quand vous lisez le dossier de, je disais, Anna Seeger, ce romancière qui recevait des prix, vous lisez le dossier de Stefan Hermlin, je cite comme ça des gens qui recevaient des prix, qui étaient des autorités morales, justement, mais des écrivains qui essayaient d'être un peu critiques. Vous lisez leurs dossiers, comme la Stasi consignait toutes leurs pensées critiques émises en tout lieu et en toute heure, vous pensez que vous lisez le dossier d'un dissident. C'est des dossiers épais, comme ça. Puis vous voyez de temps en temps qu'il a reçu un prix, ils voyagent, etc. Pas du tout. Ce sont des personnalités du régime qui sont extrêmement surveillées par la Stasi, mais qui ne sont absolument pas menacées par la Stasi elle-même. Elle a, c'est un service secret, c'est un service secret. La Stasi avait comme volonté de quadriller l'espace social. Et en quelque sorte, elle l'a fait. Ce qui ne l'a pas aidé en rien, parce qu'elle n'a rien vu venir, hein. Le 4 novembre, elle ne savait pas. Hein, mais le manque de liberté politique, le manque de liberté aussi intellectuelle, Sonia Combes, ça c'était quelque chose de palpable, notamment pour les intellectuels. Mais bien sûr, la censure, bien sûr. Ils subissaient la censure sans arrêt. Ils devaient négocier sans arrêt avec la censure, avec les censeurs. Ils pouvaient les berner. C'est assez amusant, Christophe Heine, un de ses écrivains, il raconte dans un livre, il raconte comment, à l'apparition de l'ordinateur, il a réussi à obtenir très tôt un ordinateur, ça devait être en 85, quelque chose comme ça, les premiers ordinateurs. Et donc, comme à chaque fois, on leur demandait de réécrire leur texte, hein. On vous dit, allez, c'est bien votre texte, mais il faut le réécrire, réécrire. Ils changeaient simplement de police de caractère. Et donc, ça passait, le censeur disait, oui, oui, il a retravaillé son texte. Mais alors, au bout du compte, Sonia Combes, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience après coup, à la chute du mur? Bon, on dit qu'il y a une nostalgie pour le communisme, ça c'est une chose. Est-ce qu'il y a eu aussi des gens qui se sont dit « je me suis trompé toute ma vie ». Moi, je me souviens par exemple de la biographie de Léopold Trepper, qui avait été un grand résistant contre le nazisme, qui est rentré en URSS pour se faire coffrer. Est-ce que certaines personnes se sont dit « je me suis trompé toute ma vie » ? Alors, certains se le sont peut-être dit, mais dans la plupart des cas, non. Ils pensent, et évidemment ils ont pensé trop tard, qu'ils auraient dû être plus combatifs. C'est-à-dire, ils auraient dû prendre la parole. C'est ce que j'explique dans mon livre. Ils étaient... La loyauté à tout prix, les flouets du socialisme réel, publié aux éditions. Ils étaient liés par une espèce d'éthique du silence. Il fallait ne rien dire à l'extérieur du parti qui puisse lui nuire. Vous savez, le parti, c'était... C'est Semprun qui a dit ce mot très juste. Il dit, le parti, c'était le lieu du sacré et du secret. Et c'est une définition que... aucun politiste ou politologue ne pourra dépasser. Elle est excellente, cette définition de Semprun. Donc, il ne fallait pas nuire au parti, parce que les dirigeants passent, mais le parti reste. Et c'est le parti qui construira un monde meilleur. C'est difficile à l'heure actuelle, on a des idiots. Je commence par le récit d'une femme qui dit un rêve tué, c'est Edith Anderson, elle dit, un rêve tué par des imbéciles. Oui, mais ces imbéciles passeront, on le construira. Ça a été, ils étaient vraiment animés d'une conviction intellectuelle que le marxisme avait raison et qu'il fallait dépasser le capitalisme. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes comme ça, et assez nombreuses d'ailleurs, en Allemagne et même j'imagine ailleurs. Et lorsque l'on essaye de faire le bilan du communisme, est-ce que finalement on se dit qu'on a eu une idéologie, alors sauf si on considère que celle-ci est réformable, mais en tout cas qui a leurré les gens pendant tellement longtemps? Écoutez, c'est difficile à dire parce que on est dans un tout autre monde là maintenant, surtout maintenant, 30 ans après la chute du mur. Mais il y a eu toute une époque où on a cru quand même au progrès universel. On avait d'autres... là maintenant, on a pratiquement plus de... C'est la mort des idéologies. On a plus de conviction quasiment. On réagit au coup par coup. On sait qu'il faut sauver la planète. On sait des choses comme ça. On ne sait pas comment faire. Eux, ils avaient un programme avec... On leur disait comment faire. Et ils avaient un but qui était, ma foi, un but qui était un bel idéal, si je puis dire. Merci Sonia Combes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, un très bon ouvrage à lire actuellement parce que le mur qui tombe c'est une chose, le mur qui reste c'est parfois plus étonnant. La loyauté à tout prix, les flouets du socialisme réel, c'est aux éditions du Bord de l'eau. Superfell a été déglingué par Anaïs Isobaer à la production, gâché par Valentin Bobinet à la technique et complètement ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.